la garde rouge de la jeunesse sous l'égide du Parti Russie Travailleuse a inséré le 4 dans son page d'internet un écrit condamnant la collision militaire entre les réactionnaires japonais et les autorités fantoches sud-coréennes.